de piment. Vendredi après-midi. Le papier. Le tabac. Le briquet. Bonjour et bienvenue à cette émission Rock Classique. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les 4 prochaines heures. Aujourd'hui, émission régulière, je vais vous présenter à peu près tous les styles de musique associés, regroupés sous la grande bannière Rock Classique. On va entendre du rock psychédélique, du folk rock, du hard rock, du glitter rock, du shock rock, du blues rock, ainsi que du métal au cours de la dernière heure. On va entendre des artistes des formations comme The Moody Blues, CCR, Procol Harum, Steppenwolf, Bob Dylan, Blood, Sweat and Tears, The Band, Chicago, Grand Funk Railroad, The Zombies, T-Rex, The Beatles, Ozzy Baeza, Peter Gabriel, Aerosmith, Kiss, ZZ Top, Frank Marino and Mahogany Rush, Babe Ruth et Van Den Plas. Je vais aussi vous faire tourner les demandes spéciales que vous m'avez faites la semaine dernière. De plus, je vais vous présenter un groupe américain de hard rock très obscur du début des années 70 au cours de la prochaine heure. Un des pionniers du hard rock et metal américain des années 70, le trio Bang. Je vais aussi vous présenter deux nouveautés, le tout nouvel album d'un véritable groupe de rock progressif légendaire Van der Graaf Generator et leur disque Trisector, ainsi que le tout nouvel album d'un des meilleurs groupes de metal progressif extrême actuel, la formation suédoise Opeth, et leur 9e disque studio Watershed, qui est sorti mardi dernier. Donc, passablement de variété, et encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Tout de suite, on débute avec un peu de matériel des années 60. Dans un moment, on va entendre les Rolling Stones, mais tout de suite, on écoute les Byrds sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est fou! As my mouth, we'll meet on edges soon, said I, proud neath heated brow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Half right prejudice leap for, rip down all hate I scream. Black and white, spoke from my skull, I dream. Romantic flanks of musketeers, foundation deep somehow. Oh, but I was so much older then, I'm younger than that now. In a soldier's stance, I aim my hand at the mongrel dogs who teach. From stern to bow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. somehow. Marvel, I was so much older then, I'm younger than that now. Upon its prey, and all the skies so brilliant blue turn suddenly to gray. The cherished things are perishing and buried in their tomb. There is no hope, no reasoning this rainy day in June. Everybody felt the rain. Everybody felt the rain. The demon stretched its wrinkled hand and snatched a butterfly. The elves and gnomes were hunched in fear, too terrified to cry. The reckoning was beckoning their living to their doom. There was no hope, no reasoning this rainy day in June. But everybody felt the rain. Everybody felt the rain. The Kings avec une pièce tout à fait de circonstance en ce début de juin un peu pluvieux. La pièce Rainy Day in June, très bonne pièce tirée d'un des meilleurs albums de rock paru en Angleterre dans les années 60, Face to Face de 1966, un album concept qui est en fait une observation de la société britannique de l'époque par Ray Davies. C'est un des premiers grands albums des Kings qui sont considérés comme un des quatre plus grands groupes britanniques des années 60 avec les Beatles, les Who et les Stones, qu'on a justement entendu juste avant avec la pièce All Over Now, une reprise du groupe Soul, The Womax, qui était le premier numéro un des Rolling Stones en Angleterre et qu'on retrouve sur leur deuxième album 12 by 5 de 1964. Au début du bloc, on a entendu les Byrds avec My Back Pages, une reprise d'une pièce de Bob Dylan qu'on retrouve sur l'album Younger Than Yesterday de 1967. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. On va poursuivre avec encore un peu de matériel des années 60. Dans un moment, on va entendre Bob Dylan, une formation originaire du Canada, Steppenwolf, avec une pièce en concert. Mais tout de suite, on écoute CCR sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89.1. Picks a clue now. rainy afternoon. Ain't gonna hang no picture, ain't gonna hang no picture frame. Ain't gonna hang no picture, or hang no picture frame. Well, I might look like a Robert Ford, but I feel just like a Jesse James. Some kind of change. I got my dark sunglasses. I got for good luck my black tooth. I got my dark sunglasses. I'm carrying my good luck my black tooth. Don't ask me nothing about. I just might tell you the truth. I got a woman in Jackson. Oh, I ain't gonna say her name. I got a woman in Jackson. I ain't gonna say her name. She's a friend. Vous êtes dans la dimension rock classique. Yeah. Steppenwolf avec la pièce Suki Suki qui ouvre leur album Live, paru en 1971 et qui, selon certains, n'est pas si live que ça. Juste avant ça, on a entendu le légendaire Bob Dylan avec la pièce Outlaw Blues tirée de son album révolutionnaire Bringing It All Back Home de 1965. Au début du blog, on a entendu Creedence Clearwater Revival avec la pièce Down on the Corner qui ouvre leur album Willie and the Pooh Boys paru en 1969. Année fertile pour CCR puisqu'ils ont fait paraître pas moins de 3 albums complets et différents de matériel inédit. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classique est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Vous pouvez visiter notre site web à l'adresse www.rockclassique.net sur lequel vous risquez de retrouver des choses qui pourraient vous intéresser. Il y a des liens vers certains des plus beaux sites internet de plusieurs artistes rassemblés sous la grande bannière Rock Classique. On retrouve aussi les canevas des émissions passées quand vous voulez savoir ce qui a joué exactement dans une émission en particulier ou encore consulter le top 30 des meilleurs albums Rock Classique. Les tops des années passées. Il y a un lien pour me contacter et une section balado-diffusion si jamais vous avez envie d'écouter une ancienne émission n'importe quand dans la semaine. Le site se trouve plutôt au www.rockclassique.net et fait très rare de nos jours, on ne retrouve pas de publicité sur le site. On va poursuivre avec un peu de matériel plus ambitieux des années 60, les premiers balbutiements des mouvements art rock progressifs et symphoniques. Dans ce moment, on va entendre les Britanniques de Procol Harum avec une de leurs pièces les plus marquantes tirées de leur deuxième album, Shine on Brightly, de 1968, la longue pièce In Hell, de Twas in Eye. Mais tout de suite, on écoute des compatriotes de Procol Harum, les Moody Blues avec Ride My Seesaw sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est fou! Take a free ride, take my place. amateurs de métal progressif et de power metal, l'émission La Brique et le Fanal est de retour tout l'été, les mardis à 19h. Votre animatrice, Michel, vous présentera des formations qui dominent ce style dans le monde entier. Des formations telles que Stratovarius, Vendant Blast, Opeth, Savatage, ainsi que beaucoup d'autres. La Brique et le Fanal, le mardi à 19h sur les ondes de C'est Fou 89.1. Le Centre d'appel du RAM est présentement à la recherche d'agents et d'agentes au soutien technique. Poste permanent à temps plein, salaire progressif de 9 à 11 $, possibilité d'avancement. Les candidats recherchés doivent avoir terminé leur secondaire 5 avec ou sans expérience dans un centre d'appel et avoir des connaissances intermédiaires en informatique. Faites parvenir votre CV à carrière@duramcontact.com ou visitez le cifou.ca pour plus de détails. À noter que Duram est aussi à la recherche d'agents au service à la clientèle. In the darkness of the night, only occasionally relieved by glimpses of Nirvana seen through other people's windows, wallowing in a morass of self-despair, made only more painful by the knowledge that all I am is of my own making. When everything around me, even the kitchen ceiling, has collapsed and crumbled without warning, and I am left standing, alive and well, looking up and wondering why and wherefore. At a time like this, which exists maybe only for me, but is nonetheless real, if I can communicate, in the telling and the bearing of my soul, anything is gained. Even though the words which I use are pretentious and make you cringe with embarrassment. Let me remind you of the pilgrim who asked for an audience with the Dalai Lama. He was told that he must first spend 5 years contemplation. After the 5 years, he was ushered into the Dalai Lama's presence, who said, "Well, my son, what do you wish to know?" So the pilgrim said, "I wish to know the meaning of life, Father." So the Dalai Lama smiled and said, "Well, my son, life is like a beanstalk, isn't it?" us by that which some despise, which some call fake, and others lies, and somewhat small for one so tall. A doubting Thomas, who would be? It's written plain for all to see, for one who I am with no more. It's hard at times, it's awful raw. They say that Jesus healed the sick and helped the poor, and those unsure believed his eyes. A strange disguise. Still write it down, it might be read. Nothing's better left unsaid. Only sometimes, still no doubt. It's hard to see. It all works out. Of my madness, which in coming won't be long. For the nights are now much darker, and the daylight's not so strong. And the things which I believed in are no longer quite enough. know if I'd been wiser, this would never have occurred. But I wallowed in my blindness, so it's plain that I deserve for the sin of self-indulgence when the truth was writ quite clear. I must spend my life amongst the dead who spend their lives in fear. Say that I'm a wise man. Some think that I'm a fool. It doesn't matter either way. I'll be a wise man. Teaching I'll be taught, for there's nothing hidden anywhere. It's all Procol Harum avec la pièce In Hell Dwas In High, une des premières pièces très ambitieuses de l'histoire du rock avec plusieurs mouvements et un mélange fort réussi de passages symphoniques, classiques et psychédéliques avec une part importante faite au spoken word, ce qui était révolutionnaire pour l'époque. Une pièce audacieuse qui a contribué à définir ce qui allait devenir le rock progressif. C'est tiré du deuxième album de Procol Harum, Shine On Brightly, de 1968. Juste avant, on a entendu un autre groupe pionnier du rock symphonique, les Moody Blues, avec la pièce Ride My Seesaw, qu'on retrouve sur leur album In Search of the Lost Chord, paru aussi en 1968. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va entendre les deux premiers groupes à s'être réclamés d'un certain mouvement jazz rock à la fin des années 60, Chicago Transit Authority et Blood, Sweat and Tears. Mais tout de suite, on écoute une formation originaire du Canada. The Band, à l'antenne de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières. C'est fou! Dimension Rock Classique.

Chicago Transit Authority avec leur reprise de I'm a Man du Spencer Davis Group qu'on retrouve sur leur premier et seul album éponyme paru en 1969 puisque par la suite ils ont tout simplement abrégé leur nom à Chicago. Juste avant ça, on a entendu Blood, Sweat and Tears avec I Can't Quit Her tiré de leur premier album Child is Father to the Man paru en 1968. Et au début du bloc, on a entendu les Canadiens de The Band avec Life is a Carnival. Pièce sur laquelle on retrouve une partition de cuivre de type Dixieland qui est parue à l'origine sur l'album Cahoots de 1971. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, Rock Classique qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant poursuivre avec un peu de rock typiquement psychédélique. Dans un moment, on va entendre Sugarloaf et les Zombies avec des gros classiques. Mais tout de suite, on écoute le Strawberry Alarm Clock sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières et la seule station à faire tourner du vrai rock psychédélique à Trois-Rivières. C'est fou! Good sense, ill sense, crippling mankind. Dead kings, many things I can't define. Old Cajun's blood, swaggins, blood to your mind. Incense and compliments, the color of time. Who cares what games we choose? Little to win, but nothing to lose. Incense and compliments, meaningless mounds. Turn on, tune in, turn your eyes around. Look what you saw, look what you saw. Yeah. Cockeyed world in two. Throw your pride to one side, it's the least you can do. Beatniks and politics, nothing is new. A yardstick for lunatics, one point of view. Who cares what games we choose? Little to win, but nothing to lose. Surtout pas les rediffusions de Vidon Ladon la question le vendredi 9h, le samedi midi et le lundi 16h. Sur les ondes de C'est Fou 89,1 FM à Trois-Rivières. Tunisiana est fière d'ouvrir ses portes avec un concept unique. Couscous, tagine, poisson méditerranéen et grillade. Apportez votre vin et votre faim au Tunisiana, 3070 des Forges. Pour réservation ou événements spéciaux, 379-0123, Tunisiana. C'est pour moi,

green-eyed lady, windswept lady, rules the night, the waves, the sand. Green-eyed lady, ocean lady, child of nature, friend of man. We'll be right back. The Zombies avec leur classique Time of the Season. Paraît à l'origine sur leur album Odyssey and Oracle de 1968. Juste avant ça, on a entendu Sugarloaf avec la pièce qui ouvre leur premier album éponyme par an 70, Green Eyed Lady. Et au début du bloc, on a entendu le Strawberry Alarm Clock avec leur classique Incense and Peppermints, sorti en 45 tours en 1967. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, Rock Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va entendre le T-Rex et Grand Funk Railroad, mais tout de suite, on écoute les Beatles sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières et la seule station à faire jouer du vrai rock. C'est fou!

Grand Funk Railroad avec I'm Your Captain, la pièce qui clôture leur troisième album, Closer to Home, paru en 1970. Juste avant ça, on a entendu T-Rex avec Telegram Sam, c'est tiré de leur excellent disque The Slider. Au début du bloc, on a entendu les Beatles avec Come Together, un classique tiré d'un de leurs chefs-d'œuvre, l'album Abbey Road de 1969. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classique qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre avec un peu de blues rock dans un moment. On va entendre Led Zeppelin et Juicy Lucy. Mais tout de suite, on écoute Savoy Brown avec la pièce Needle and Spoon à l'antenne de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières. C'est fou! Some I'm a wise man, some I'm a fool, but I need a little something to keep my cool. I sleep with the sun and I ride with the moon, but I feel alright with my needle and spoon. I feel alright with my needle and spoon. It's difficult sometimes to get my stuff, so if I'm evil, don't get in a huff. I sleep with the sun and I ride with the moon, but I feel alright with my needle and spoon. I feel alright with my needle and spoon. Don't need no whammy, don't need no wine, 'cause life is sweet when you hit the main line. I sleep with the sun and I ride with the moon, but I feel alright with my needle and spoon. I feel alright with my needle and spoon. And it seems unkind. If you're married, you can divorce your wife. But when you're married to AIDS, then you're married for life. You're married to AIDS, then you're married for life. Mm-mm-mm-mm-mm. Hey, yeah. down, the night was blue, and around the corner an ice wagon blew. My pop was hidden, and somebody screamed. You should have heard just what I'd seen. It's a mood, do you love? Tell me, who do you love? Tell me, who do you love? Tell me, who do you love? I got a tombstone hand on the graveyard, man, and I live long enough, and I ain't stole a dime. Tell me, who do you love? Tell me, who do you love? Zeppelin avec Good Times, Bad Times, la pièce qui ouvre leur premier album éponyme de 1969. Juste avant ça, on a entendu Juicy Lucy avec Who Do You Love? C'est tiré de leur premier album éponyme paru aussi en 1969. Who Do You Love? Qui est une reprise d'une pièce de Bo Diddley dont on a appris le décès cette semaine. Diddley qui est décédé à 79 ans d'une défaillance cardiaque. Il y a eu passablement d'influence sur les musiciens de rock, surtout des années 50 et 60. Il a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 87, en plus de recevoir un Lifetime Achievement Award à la cérémonie des Grammys en 99. Et il a une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Il a composé des classiques comme I'm a Man, Mona, You Can't Judge a Book by Its Cover, Roadrunner et bien sûr Who Do You Love, des pièces qui ont été reprises par un grand nombre d'artistes comme les Yardbirds, Quicksilver Messenger Service, Cactus, les Doors, les Who, Frank Marino and Mahogany Rush, tous des artistes qui sont devenus très influents à leur tour. Juste avant ça, on a entendu au début du bloc, on a entendu Savoy Brown avec la pièce Needle and Spoon, qui nous parle d'un toxicomane tout à fait pathétique. C'est tiré de leur très bon album Ross Sienna de 1970. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, Rock Classique, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant d'un groupe de hard rock américain obscur du début des années 70, un des pionniers de la scène hard rock et metal américaine des années 70, un trio de la Floride qui s'est baptisé Bang, tout simplement. On sait pas grand-chose sur ce groupe, excepté qu'ils ont fait seulement 3 albums entre 71 et 73 qui sont parus sur l'étiquette Capitol. Leur influence principale était de toute évidence Black Sabbath, sur lesquels ils ressemblent beaucoup à Black Sabbath au plan musical. Côté paroles, c'est autre chose. Je vais vous présenter aujourd'hui 3 pièces tirées de leur premier album éponyme qui est paru en 71, album qui est considéré par certains comme leur meilleur. Le trio Bang sur les ondes de la radio des mélomanes de Trois-Rivières, la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! Everyone

save these treasures for our own. Uncaring destruction we have shown. Un trio de hard rock américain très obscur du début des années 70, Bang de la Floride, avec quatre pièces plutôt tirées de leur premier album éponyme, paru en 1971 sur l'étiquette Capitol. On vient d'entendre la pièce Our Home, une des plus agréables du disque. Juste avant, on a entendu la pièce The Queen, qui est la plus remarquable de tout l'album, à mon avis. Précédemment, on a entendu la pièce Questions, avec laquelle Bang ont connu un peu de succès au palmarès américain. Et au début du bloc, on a entendu Come With Me, qui est vraiment représentative de l'aspect le plus rock du trio. Bang ont apparemment donné beaucoup de concerts au début des années 70 dans le sud des États-Unis, mais ils n'ont jamais réussi à prendre le devant de la scène. Ils font partie toutefois des premiers groupes de hard rock américains avant l'arrivée des Blue Oyster Cult, Montrose, Aerosmith et Kiss. Leurs albums sont très recherchés par les amateurs de hard rock des années 70. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter deux groupes de heavy metal britannique assez obscurs, et très obscurs même je dirais, ici en Amérique du Nord, Angel Witch et Tigers of Pantang. C'est donc un rendez-vous. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classique, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant prendre un virage vers le rock progressif. Dans un moment, on va entendre Yes et Peter Gabriel. Mais tout de suite, on écoute un groupe de rock progressif africain. Ozibiza, sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. La seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! Thank you.

visitez fibroschistique.ca et donnez-leur le souffle de vie. C'est fou dans vos oreilles. I called you last night in the hotel. Find me. What's gone is gone, and I do not give a damn. Something you did touch me. There's no one else to blame. Avec la pièce Changes, tirée de leur album 90125, qui marquait leur retour en 1980. On a appris cette semaine que malheureusement, Yes ne seront pas à Québec pour le Festival d'été de Québec le 12 juillet prochain. Malheureusement, John Anderson a des problèmes de santé assez sérieux qu'on doit annuler leur tournée 40e anniversaire. Donc, c'est dommage. Juste avant Yes, on a entendu Peter Gabriel avec I Don't Remember, tiré de son troisième mes meilleurs albums éponymes en carrière, qui est paru en 1980. Au début du bloc, on a entendu la formation africaine Ozzy Biza avec la pièce Beautiful Seven qui ouvre leur album Woyaya de 1971. Parmi les concerts à venir qui pourraient vous intéresser, jeudi prochain, c'est le retour de Rush au Centre Bell. Samedi 21 et dimanche 22 juin, bien sûr, c'est le premier festival métal de Montréal qui a lieu au parc Jean Drapeau sur l'île Sainte-Hélène. Et le samedi, on retrouve entre autres en tête d'affiche Iron Maiden, Symphony X, Overkill, Mastodon, Unexpect, Hatebreed, Hammerfall, Typo Negative et quelques autres. Le dimanche, c'est Motley Crue qui est en vedette avec Voivod, Priestess, Shadows Fall, Three Days Grace, Drowning Pool et Anthrax. Mardi et mercredi 1er et 2 juillet, Steely Dan seront à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. On a appris cette semaine que jeudi le 3 juillet, Van Halen, c'est eux qui vont ouvrir le Festival d'été de Québec sur les plaines d'Abraham. Donc Van Halen de retour avec David Lee Roth. Dimanche 6 juillet, Drizzle Zappa et Adrian Belew seront à leur tour au Festival de Québec. Johnny Winter sera à l'Impérial le lundi 7 juillet, le même soir que les Ventures sont sur la scène Belle. Et le lendemain, le mardi, ils prennent la scène d'assaut, la scène Molson Drive, c'est même Ventures. Le mardi 8 juillet, même soir, mais cette fois-là à Montréal, au Métropolis, ce sera de Black Rose. Jeudi 10 juillet, Stone Temple Pilots sera sur la scène Belle du Festival d'été de Québec. Et le lendemain, le vendredi, ils seront au Centre Belle. Crosby, Stills and Nash seront à la salle Wilfrid Pelletier le mardi 22 juillet. Lundi 4 août, Testament sera à l'Impérial de Québec. Samedi 9 août, Def Leppard sera au Colisée de Québec. Rod Stewart sera au Centre Bell le mercredi 13 août. Fentroll seront au Medley le mardi 26 août. Le 27, le mercredi, ils seront à l'Impérial de Québec. Nightwish avec Sonata Arctica au Métropolis le lundi 1er septembre. Jeudi 18 septembre, Halloween avec Gamma Ray à la salle Albert Rousseau de Québec. Et le lendemain, le vendredi le 19, ils seront au Medley de Montréal. Et finalement, le vendredi 3 octobre, Amorphis, Lizzie, Samael et Virgin Black seront au Fofoun électrique. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classique, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de nouveautés. Je vous parle du tout nouvel album d'une véritable formation de rock progressif culte, formation légendaire, la formation Van der Graaf Generator, qui est de retour avec un tout nouvel album studio, leur deuxième depuis leur retour en 2005 et leur premier sans le saxophoniste David Jackson. On se rappelle que Van der Graaf Generator ont fait un retour surprenant et très réussi il y a 3 ans avec un album double, l'album Present, qui était vraiment bon et qui figure parmi leurs belles réussites, et que par la suite, ils avaient entrepris une série de spectacles en Europe qui étaient chaleureusement accueillis par les amateurs de rock progressif et les fans du groupe. Par contre, ça n'a pas duré et le saxophoniste David Jackson, qui est un des grands responsables du son particulier de Van der Graaf et de son originalité, a quitté le groupe de façon acrimonieuse. C'est la deuxième fois d'histoire de Van der Graaf que Jackson quitte le groupe. La première fois dans les années 70, ils avaient recruté le violoniste Graham Smith pour le remplacer et ils étaient allés chercher le bassiste original du groupe, Nick Potter. Ça avait donné l'album The Quiet Zone, The Pleasure Dome de 1977, un album controversé. Cette fois-ci, les trois autres ont décidé de poursuivre seuls et sans remplacement, ce qui signifie que l'orgue et les claviers de Hugh Banton prennent plus de place et revêtent plus d'importance qu'auparavant dans la musique de Van der Graaf, désormais. Musicalement, ça ressemble plus à du Peter Hammill en solo qu'à du Van der Graaf. Il y a à peu près seulement la longue pièce Over the Hill qui se rapproche un peu plus du son classique de Van der Graaf. Personnellement, je trouve que le départ de David Jackson fait cruellement défaut. Il manque vraiment un ingrédient majeur à la musique de Van der Graaf. Il s'agit d'un album assez calme, avec seulement 2 pièces, un peu plus rock. On va entendre 2 extraits de ce nouveau disque, Trisector, dont une de ces 2 pièces plus rock, All That Before, sur les ondes de la seule station à faire tourner du vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est fou! If I'm cracking up or just getting careless, is this room right in us? Just a minute, listen. Did you hear that knock on the door? I'm gonna have to write things down before I forget them. I I can't find my glasses, I don't know where I left them, so I can't expect to get much on the vision this morning. Oh, did I say all that before? Oh, stop me if you've heard this wrong. Before I get started, I can't find my mobile, and I didn't charge it. It's a phantom target. If I call myself, I'll only get my voicemail once more. I wish that I could pin things down before they escape me. I can't find my car keys, but it seems that lately I have trouble even fitting them into the front door. Or did I say all that before? Oh, stop me if I'm banging on, trying to grab your attention. I forgot to mention I can't find my glasses, but I think I bent them when I dropped them as I scrabbled for my phone on the floor. I can't remember what I'm doing. and I've lost the thread of what I said before. Surveille mon drink, je vais aux toilettes. Quoi? Surveille mon drink, j'entends pas, le son est trop fort. Ah, quoi? Le son. Avant de ne plus rien entendre, Santé Canada vous recommande d'écouter Vidon Ladon la question le mercredi à midi sur les ondes de C'est fou. Ne manquez surtout pas les rediffusions de Vidon Ladon la question le vendredi 9h, le samedi midi et le lundi 16h. Sur les ondes de C'est fou 89,1 FM à Trois-Rivières. Tunisiana est fière d'ouvrir ses portes avec un concept unique. Couscous, tagine, poisson méditerranéen et grillade. Apportez votre vin et votre faim au Tunisiana, 3070 des Forges. Pour réservation ou événements spéciaux, 379-0123. Tunisiana. C'est un portail d'information sur votre radio. Les actualités télévisées et les spectacles à mort absolument. C'est pour moi si là, c'est le palmarès, des concours à forum. C'est pour moi si là, c'est le site de radio universitaire où vous visitez de la francophonie. C'est pour moi si là, c'est la possibilité d'écouter vos émissions en ligne partout sur la planète. C'est pour moi si là, c'est tout ça. Toutes les informations vous êtes au Internet. C'est fou dans vos oreilles. Stayed on. say, are they in the final real awards? Sayonara, tschüss, adieu. Thundergraf Generator avec deux pièces tirées de leur tout nouvel album Trisector, paru il y a quelques semaines. On vient d'entendre la pièce The Final Reel, qui est très représentative de pas mal tout l'album, qui est en général assez calme. Juste avant, on a entendu une des deux pièces les plus rock du disque, All That Before. C'est pas mauvais comme album. Ça risque même de plaire beaucoup à ceux qui aiment ce que fait Peter Hamill en solo. Personnellement, je trouve que c'est pas un bon album de Van der Graaf. C'est pas mauvais, mais c'est un des moins bons que le groupe a fait en carrière. De la part de Van der Graaf Generator, on s'attendait à mieux. J'avais bien aimé le précédent, Present. Mais cette fois-ci, on est loin des albums classiques de Van der Graaf. On est loin de God Bluff, de Pawnard, de Still Life. L'accueil du disque chez les amateurs de progressif est mitigé. Il y en a qui crient au génie, comme d'habitude, alors que d'autres n'ont pas du tout aimé. C'est à vous de juger. Ce nouvel album de Van der Graaf Generator s'intitule Trisector. Vous êtes en compagnie d'Alain Lefebvre à l'émission Rock Classique. L'émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant prendre un virage musical drastique puisqu'on va maintenant passer un petit bloc hard rock. Dans un moment, on va entendre Kiss et Aerosmith. Mais tout de suite, on écoute Neil Young sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! Shines in your eyes, yeah. Baby, let's go downtown. Come on, baby, let's go downtown.

Van Halen avec leur classique Ain't Talking About Love, tiré de leur premier et non moins classique album, paru en 1978. Van Halen qui vont ouvrir le Festival d'été Québec le jeudi 3 juillet sur les plaines de Brienne. Ça devrait être excellent. Juste avant ça, on a entendu Kiss avec Lover All I Can. C'est tiré de l'album Dressed to Kill de 1975, leur troisième album. Selon le magazine Rolling Stones, il semble que Gene Simmons et Paul Stanley ont signé un contrat de télévision pour une émission de télé-réalité dans le genre American Idol ou Rockstar, dans laquelle Stanley et Simmons vont choisir les musiciens qui vont les remplacer dans Kiss, puisque ces deux-là planifient de prendre leur retraite et ils veulent que le groupe continue sans eux. Un groupe dans le genre, groupe hommage à grand déploiement. C'est totalement ridicule et grotesque. C'est tout à fait aberrant. Juste avant Kiss, on a entendu Aerosmith avec Kings and Queens, tiré de l'album Draw the Line de 1977. Et au début du bloc, on a entendu Neil Young avec Come on Baby, Let's Go Downtown. C'est tiré de son album Tonight's the Night de 1975. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission qui est entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre encore avec, dans cette veine hard rock. Dans un moment, on va entendre Frank Marino and Mahogany Rush, mais tout de suite, on écoute ZZ Top à l'antenne de CIFU 89.1, la seule station diffusée du vrai rock à Trois-Rivières. Out the wheel, we're going downtown in the middle of the night. We're laughing and I'm joking and we're feeling all right. Oh, I bet I'm nationwide. Yes, I bet I'm nationwide. Wearing spiky on shoes, they smoke and look at strikes and wearing nylon shoes. Go be bad, you're nationwide. Yeah, we bad, you're nationwide. dans la dimension rock'n'roll. This is Janita Hahn from the group Babe Ruth, and you're listening to Rock Classique with Alain Lefebvre on CFOU 89.1 FM. ¶¶ Shanita Han et Babe Ruth avec la pièce Wells Fargo qui ouvre leur excellent premier album, un véritable classique du rock pour moi. L'album First Base de 1973. Juste avant ça, on a entendu les Montréalais de Frank Marino et Mahogany Rush avec la pièce Sister Change qui ouvre leur album Tales from the Unexpected de 1979. Et au début du bloc, on a entendu ZZ Top avec I'm Bad, I'm Nationwide, pièce tirée de l'album de Guello de 1979. Vous êtes en compagnie d'Alain Lefebvre à l'émission Rock Classic, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant poursuivre avec un petit bloc typiquement heavy metal. Dans une dizaine de minutes, je vais vous présenter le nouvel album de Opeth, Watershed, que j'ai beaucoup aimé. Dans un moment, on va entendre la formation Crocus, avec une pièce qui fait beaucoup penser à du AC/DC. Mais tout de suite, on écoute Judas Priest avec un classique Metal Gods à l'antenne de CIFU 89.1. Match!

Crocus, une formation suisse de clones de AC/DC qui les imitait très très bien. On vient d'entendre la pièce Long Sticks Goes Boom qui ouvre leur album One Vice at a Time, paru en 1981. Et juste avant ça, on a entendu Judas Priest avec le classique Metal Gods, tiré du non moins classique album British Steel de 1980. La semaine prochaine, à Rock Classic, je vais vous présenter le nouvel album de Judas Priest, un album concept sur Nostradamus. Mardi dernier, c'était la sortie du tout nouvel album de la formation de métal progressif extrême Opeth, l'album Watershed, un tout nouveau disque studio, le premier depuis Ghost Reverie, qui date de 2005. Nouveau disque avec une nouvelle formation qui comprend maintenant le batteur Martin Axenroth et l'ancien guitariste de Arch Enemy, Frederick Akeson. Excellent album, comme tous ceux que Opeth ont produit par le passé, mais encore une fois, c'est pas tellement accessible ou évident, première écoute, pour le commun des mortels. Ça nécessite plusieurs écoutes avant d'en être complètement imprégné. Un peu comme c'était le cas des bons vieux Van de Graaff Generator, mais une fois que c'est fait, je pense pas qu'on puisse se fatiguer de cet album. Opeth qui poursuivent sur leur lancée progressive, comme ils l'ont fait sur les 3-4 derniers disques, on laisse de plus en plus de place au clavier de Peer Weinberg, même si l'ensemble est toujours dominé par les guitares. Les pièces sont dans l'ensemble assez longues, quoique un peu moins longues que sur les précédents, puisqu'on en retrouve seulement une de plus de 10 minutes. Mais l'ensemble est loin d'être concis. Ça demeure bel et bien du progressif. On va tout de suite écouter deux des pièces les plus représentatives de cet album, Watershed, sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la seule station à faire tourner du vrai métal et du vrai progressif à Trois-Rivières. C'est fou! dans la dimension rock classique. Oh, Opeth avec deux pièces tirées de leur tout nouvel album Watershed. Par un magasin cette semaine, on vient d'entendre The Lotus Eater, qui, selon le chanteur et guitariste Mike Ackerfeld, est la plus représentative de la direction musicale actuelle et future du groupe. Ça semble être sa préférée. Juste avant, on a entendu la pièce Burden, qui représente bien les penchants classic rock des années 70 de Mike Ackerfeld, qui est un grand amateur maniaque de rock classique des années 70 et de rock progressif. C'est vraiment très bon. J'ai adoré ce nouvel album de Opeth, qui nécessite plusieurs écoutes avant d'en saisir toutes les subtilités. Ça vaut définitivement un 9 sur 10. Il va figurer auprès des grandes réussites de ce quintet suédois très original et influent. La semaine prochaine, à Rock Classique, je vais vous présenter un spécial Hard Rock et Metal, hein, parce que le Festival Metal Montréal s'en vient. Alors, les deux prochaines semaines vont être consacrées au Hard Rock et au Metal à Rock Classique. Je vais vous présenter deux groupes britanniques de métal très obscurs en Amérique du Nord, c'est-à-dire Angel Witch et Tigers of Pantang, ainsi qu'une nouveauté, le nouvel album de Judas Priest, un album concept là, sur Nostradamus. Je vais vous laisser avec une dernière pièce. Il s'agit d'une version spectacle d'une très bonne pièce de la formation allemande Vandenplatz, I Can See. Et je vous souhaite une excellente semaine à tous. Salut tout le monde!